Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Marie-Charlotte Garin. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je vous fais la petite intro habituelle. Pour cette nouvelle saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF, c'est une banque éthique coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuse parce qu'elle est coopérative, donc elle appartient à ses sociétaires, parce qu'elle est éthique. Et donc elle met en avant le circuit court de l'argent parce qu'elle est transparente. Et oui, c'est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Et moi, elle me permet d'interviewer plein de personnes inspirantes qui participent à déployer les 2030 Glorieuses. Moi, j'en suis fier. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir un livret NEF pour vous aussi, enfin, être fier de votre banque. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est possible. Aujourd'hui, je suis hyper heureux de donner la parole, enfin, à Marie-Charlotte Garin, députée des écologistes dans la 3e circonscription du Rhône. À l'Assemblée, Marie-Charlotte, tu défends des causes qui te sont chères, notamment la jeunesse, la planification écologique, les droits des femmes, la lutte contre les discriminations, la défense du service public. Mais ensemble, nous allons parler plus spécifiquement d'un futur féministe et inclusif et de consentement. Pour commencer cet échange, Marie-Charlotte, moi je te pose la question que je pose à tous mes invités en début d'échange. Tu arrives, des personnes ne te connaissent pas, ça existe sans doute encore, et elles te disent « Mais alors toi, tu fais quoi dans la vie ?» Qu'est-ce que tu réponds, Marie-Charlotte ? Alors moi, je suis députée écologiste depuis 2022, donc c'est mon deuxième mandat en si peu de temps puisqu'il y a une des solutions. Je suis engagée, comme tu l'as dit, sur les droits des femmes beaucoup. Je suis commissaire aux affaires sociales à l'Assemblée, donc je travaille beaucoup sur les questions d'emploi, de travail, de santé. Et à la base, avant de faire ça, moi j'ai travaillé dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment envers les femmes en situation de handicap. J'ai travaillé aussi avec les élus à la ville de Lyon et je crois que je suis une passionnée de la vie de manière générale. Tu me faisais très justement remarquer avant le début de cette interview qu'on allait peut-être évoquer des sujets un peu difficiles et donc trigger warning, c'est ce que tu me dis. Petit trigger warning, effectivement quand on parle de consentement, on parle de viol et d'agression sexuelle et de violence sexiste et sexuelle, donc nous on va en parler avec le recul qu'on a dans une interview comme ça, mais ça peut heurter les personnes notamment qui ont été victimes ou qui peut-être se demandent si elles l'ont été, donc si jamais c'est trop dur, il faut pas hésiter à arrêter d'écouter le podcast si c'est trop dur, mais aussi à appeler le 3919 pour pouvoir être réorienté, appuyé, accompagné, notamment par des associations qui ont l'habitude de prendre en charge des victimes de viol. Donc un sujet hautement nécessaire et forcément pas évident, et à la fois je suis en confiance pour avoir cette conversation avec toi Marie-Charlotte, et en fait ça fait longtemps, et c'est pour ça que je disais enfin en introduction qu'on se parle, parce que je t'ai proposé plusieurs fois de participer à ce podcast. On se connaît bien Marie-Charlotte, on a même été voisins, ça y est je dévoile tout notre quotidien, ouais, les dessous, effectivement, mais c'est le bon moment pour se parler, parce que toi en ce moment t'es très active sur cette notion du consentement, et d'où la deuxième question du podcast en général, c'est j'en ai marre d'entendre dire qu'on a besoin de décroissance, on a besoin de mettre en place la décroissance, parce qu'en fait je trouve que c'est notre époque qui est décroissante, elle est décroissante de sens, elle est décroissante de liens, elle est décroissante de tellement de choses qui font que nous sommes des êtres vivants, des êtres humains. Toi tu dirais à quelle décroissance tu t'attaques tout particulièrement, et en creux en opposition, à quelle croissance tu contribues pour les 2030 glorieuses ? Alors, la grande entreprise de décroissance que j'ai entamée depuis longtemps, mais tout particulièrement depuis que je suis députée à l'Assemblée, c'est la décroissance des inégalités entre les femmes et les hommes, et donc des violences faites aux femmes. Et la croissance que ça suppose derrière, c'est la croissance vers une société où les rapports humains sont apaisés, une société où le respect mutuel en fait est la norme, où nos corps sont protégés, donc les corps des femmes, mais aussi les corps des enfants. Ça fait pas mal l'actualité ces derniers temps avec l'affaire de Betaram, mais je pense que c'est essentiel dans notre société, et ça dit beaucoup de notre société, hein, la place qu'on accorde aux enfants, et la croissance en fait, ouais, pour le consentement et l'égalité, quoi. Pourquoi c'est important que ça soit toi en introduction ? Je t'ai présenté comme député chez les écologistes. Il y a encore des personnes qui n'arrivent pas à faire le lien entre le féminisme et les questions environnementales, écologiques. Mais plus généralement, pourquoi toi ? Pourquoi ce sont des sujets que tu as décidé de mettre au cœur de ta vie ? J'allais dire professionnelle, mais en fait, quand on fait ça, c'est notre vie tout court, non ? Ouais, c'est un engagement du quotidien. Moi, je me présente comme écoféministe même. Et du coup, ça suppose, on fait lien quand on est écolo avec tout type de discrimination, parce qu'en fait, on a une vision systémique du monde. On se dit que tout est un système. Donc, c'est la même domination, la même oppression qui participe de l'exploitation des hommes, des humains, sur la nature, sur les ressources. C'est la même qui permet, en fait, les inégalités, les discriminations, l'exploitation et les violences des hommes sur les femmes, des hommes sur les enfants, etc. Et donc nous, on a vraiment cette vision systémique de se dire ça n'existe pas de s'attaquer à l'un sans s'attaquer à tout ce système qui, en fait, nous fait du mal, hein, très concrètement dans nos chairs. Et donc pour moi, c'est un peu une évidence. J'étais déjà militante féministe avant d'être députée et en fait aussi militante écologiste. Et l'écoféminisme, pour moi, dans mon parcours, ça m'a permis de faire la synthèse des deux et de voir qu'il y avait un point de rencontre immense, quoi. On l'a dit, c'est des sujets qui sont durs, qui sont violents, qui sont... parfois qui peuvent paraître insurmontables. Ouais, comment tu fais dans ton équilibre pro-perso ? Comment tu fais pour tenir depuis autant de temps sur ces sujets sans te fatiguer, sans avoir le sentiment de pas y arriver ? C'est clair que quand tu travailles sur les questions des violences sexistes et sexuelles, tu es confronté à la violence quasiment au quotidien. Et en plus, quand tu commences à être identifié sur ces sujets-là, les personnes te perçoivent comme quelqu'un de safe vers qui aller pour déposer aussi leur témoignage. Donc il y a des périodes où parfois ça fait beaucoup. Là typiquement on va parler du consentement. Moi j'ai fait un an de travaux parlementaires sur la question du consentement et beaucoup d'auditions. Donc ça veut dire en fait entendre beaucoup de témoignages et de choses très lourdes. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui permettent. Un, le fait de prendre un petit peu de recul, d'avoir un espèce d'essayer de mettre un tout petit peu de distance pour en fait ne pas se laisser submerger par les émotions. Après ça n'empêche pas que parfois on est tellement en colère, mais tellement en colère. En fait, quand on voit ce que la société permet en termes de violence, l'impunité qui règne aussi, moi, je ne te cache pas que parfois, j'ai eu envie de tout brûler, quoi. Et de me dire, toutes les femmes qui ont été victimes de violence ou les enfants qui ont été victimes de violence, si on les mettait dans la rue, en fait, ils seraient légitimes à vouloir tout renverser. Et là où je trouve de l'énergie, c'est déjà en agissant, en me disant, bon, bah, moi, j'essaye de changer ça, et à mon échelle, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de changer cette société, premier point. Et le deuxième point, c'est la sororité. Et les espaces de discussion aussi avec des personnes qui comprennent ces combats-là, en fait, ça permet de recharger les batteries et de se dire qu'on n'est pas seul dans cette lutte. Et je crois que ça, c'est vrai pour toutes les luttes. C'est pareil dans la lutte environnementale où on se dit, bon, bah, on est tellement seul face à un système qui nous broie. Bah, voilà. Retrouver du commun, recréer des espaces où on fait communauté, je pense que c'est ce qui nous aide à tenir. Et aussi bah, la perspective de pouvoir envisager des lendemains plus heureux. Par exemple, des 2030 glorieuses. Tu conscientises le fait que, d'une certaine manière, tu reconnais le pouvoir que tu as, tu reconnais les responsabilités que tu as et tu décides de les assumer. Je pense que là aussi, ce qu'on va évoquer, ça vient de cette déresponsabilisation, du manque de la reconnaissance de son pouvoir individuel et de toutes ces fois où des personnes qui auraient pu faire quelque chose se sont dit « mais en fait, je ne vais pas y arriver, je ne servirai à rien ». Ça va être trop dur, ça va être trop lourd. Et pourquoi, si jamais c'est des gens qui nous écoutaient là et qu'elles se sont retrouvées, ces personnes, dans un moment où justement elles se sont dit « mais je vais pas y arriver, je sers à rien, je suis trop petit », pourquoi toi ça t'a fait du bien d'aller, pourquoi tu le referais d'aller vers cette difficulté, volontairement aussi d'aller vers cette violence, mais pour le meilleur, pourquoi tu le referais à chaque fois ? Si je suis très honnête, je pense que ma réponse, elle pourrait changer en fonction des moments où tu me poses cette question et que probablement qu'il y a eu dans l'année écoulée, parce que le contexte politique a été extrêmement violent, des moments où je me serais dit « qu'est-ce que je fais là, quoi ?» Et est-ce que vraiment je vais y retourner ? Donc ça, c'est pour dire que c'est OK d'avoir aussi des baisses de morale et d'engagement, parce qu'en fait, on est humain, on est cyclique, ça fonctionne avec des vagues. Parfois, c'est trop difficile et quand c'est trop difficile, il faut se tourner vers ses pairs et leur dire que c'est trop difficile, et leur dire qu'on doute, parce qu'en fait, on se rend compte que, justement, on n'est pas seul à douter. Donc savoir renoncer, même si c'est momentanément. S'écouter et se dire que, parfois, c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, prioriser ce qui nous recharge, peut-être, si à un moment donné, votre engagement dans une lutte, il coûte plus qu'il vous rapporte. En fait, je pense que c'est tout à fait entendable, et aussi pour ses pairs de lutte, quoi, de se dire, ok, là, je recule un tout petit peu, j'ai besoin de recharger mes batteries, et je reviens ensuite. Parce qu'en fait, c'est pas de la lâcheté, c'est pas... Non, parce qu'au final, moi je me suis aussi dit ça à l'échelle de mon mandat, de dire mais si je m'épuise à trop donner de ce que j'ai d'énergie, bah au fait au final sur le long terme je sers à personne. Bon après on est toujours peut-être dans un rapport presque utilitariste, tu vois, au fait qu'il faut servir à la cause, mais de manière générale moi je pense qu'il faut écouter aussi ce qui nous apporte de la joie et peut-être trouver des manières de s'engager qui apportent de la joie, et on en revient à créer du collectif, à créer du commun. Moi ce qui me fait tenir vraiment, c'est ça quoi, c'est les relations humaines, c'est le fait de se dire on sert à un tout petit peu à quelque chose. Et moi au début de mon mandat, je gagnais des amendements, tu vois, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, des trucs où je me disais ouais mais en fait on est tellement face à un mur, on gratte des miettes. Et c'est une collègue, Sandra Rigol, députée de Strasbourg, qui m'a dit mais tu sais Marie-Charlotte, les miettes qu'on gratte pour les personnes concernées, c'est pas des miettes en fait, ça veut tout dire. Et ça, depuis, ça a un peu changé ma perspective, de me dire, même si c'est des micro-avancées, et je crois qu'aussi, en tant qu'écoféministe, moi, je m'inscris aussi dans une lignée de lutte. Et là, tu vois, le travail qu'on fait sur le consentement, même si on ne gagne pas à la fin, et je mets des guillemets en disant le mot « gagner », en fait, on avance, tu vois. Culturellement, on avance, et tout ce qu'on fait maintenant, ça servira aux générations qui viennent et qui vont prendre le relais, comme les féministes avant nous, en fait, nous ont ouvert des portes pour qu'on puisse porter ces combats-là. Et donc, c'est aussi avoir conscience que le pouvoir qu'on a, il est immense, mais il est aussi limité, que personne n'est indispensable, et que tout ça s'inscrit dans une lignée collective. Et ça, moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup d'espoir. À titre individuel, quand on m'a dit que Donella Meadows, déjà, donc, qui avait travaillé sur le rapport Meadows en 72, les limites de la croissance, très connue dans le milieu écolo, ensuite avait dédié la fin de sa vie à dire à quel point on avait besoin du rêve pour ensuite mettre en place des vraies transformations pour la société, moi ça m'a fait un bien fou de me dire que je marchais d'une certaine manière avec les 2030 glorieuses dans ses pas, donc ça fait, c'est vrai, beaucoup de bien. Tu parlais de miettes, je crois que j'ai envie aussi d'entendre dans ta réponse le fait qu'on a besoin de déconstruire l'idée qu'on peut tous et toutes être le héros, l'héroïne d'une histoire facile, simple, hyper lisible, un méchant, une étape, un combat, la victoire à la fin, et on a gagné. C'est plus long que ça, et parfois, bah, se rendre compte qu'on est un peu tous et toutes, comme le dirait Tariq Chekchak, bâtisseur de cathédrale, et qu'en fait, on participe à quelque chose dont on verra pas la fin, ça fait du bien, peut-être. Mais je trouve que c'est magnifique. Et je crois que les blockbusters à l'américaine, tu vois, où on sait que ça va bien se finir, etc., bah, ça nous fait du bien de temps en temps d'aller en voir, tu vois, pour recharger un petit peu sur cette idée que la victoire est possible. Ouais, je suis coupable. Voilà, moi aussi. Je sais que tu écoutes. Mais en tout cas, la vie, c'est pas comme ça. Et en fait, oui, ça suppose aussi de questionner qu'est-ce que c'est que gagner, quoi. Qu'est-ce que c'est que gagner, qu'est-ce que c'est que réussir. Et plutôt, si on a une vision un peu en écosystème de chacun est à sa place, chacun prend sa part, et l'écosystème en lui-même, il est cyclique, ça veut dire que tout le monde n'est pas sur le pont tout le temps. Et c'est pour ça que je le redis, parce que je crois que dans les milieux militants, ou en tout cas dans les trajectoires d'engagement, l'épuisement militant, il est ultra présent. Et c'est important de se redire, nul n'est indispensable. Moi, je ne suis pas indispensable. Demain, quelqu'un d'autre sera élu à ma place, prendra le relais. Par contre, peut-être notre job collectif, c'est au contraire de faire de la place pour embarquer le plus de monde possible avec nous, pour que chacun se sente partie prenante en fait des changements qu'on veut voir, mais sans se dire que il y a pas de héros, quoi. J'avais pas prévu de vraiment passer beaucoup de temps à parler de ça avec toi, mais c'est hyper intéressant. On en reparlera bientôt avec Sarah Durieux, à qui je vais donner la parole dans le podcast aussi, qui nous racontera pourquoi il faut prendre soin. Et effectivement, elle va sortir un livre. Je vous donne pas le titre, je fais un peu de teasing, voilà, ça y est. J'ai quand même envie, et on va parler du consentement. J'ai dit qu'on allait parler du consentement, mais tu m'as parlé de miettes. Je trouve que c'est quand même un peu difficile, c'est réducteur comme mot, mais parle-moi de victoire passée, si tu devais comme ça nous dire... Bah, y a quand même ça et ça et ça, ça n'a pas servi à rien et on en est fiers. Ouais, ça n'a pas servi à rien et on en est fiers. La toute dernière victoire qui est la plus, j'ai envie de dire flamboyante parce qu'elle fait signe partout dans le monde, c'est que quand même la France s'est dotée de la loi la plus ambitieuse contre les polluants éternels la semaine passée. Du coup, c'était en février grâce au député écologiste Nicolas Thiry et au groupe écologiste. Et ça, c'est une fierté immense parce qu'on y a tous et toutes mis beaucoup d'énergie. Mmh. Et je dis tous et toutes, pas que nous, députés, mais aussi société civile, journalistes, scientifiques. Et ça, franchement, c'est... Moi, après avoir voté cette loi, donc le jour des niches, donc les journées d'initiative parlementaire, où c'est un groupe d'opposition qui décide ce qui est à l'ordre du jour, on siège de 9h à minuit. Donc moi, je suis rentrée le lendemain matin à Lyon. Et je te jure, je marchais dans la rue. Et en fait, j'avais le cœur mais tellement gonflé d'espoir, quoi. De me dire, voilà, on sert à ça. Et plus, ça pour le coup, c'est pas une miette. Particulièrement à Lyon, ce sujet-là. Et à Lyon, nous, on est tout à fait concernés, puisqu'il y a la vallée de la chimie, on est une des zones les plus polluées d'Europe. Moi, j'avais fait tester mes cheveux dans le cadre de la communication autour de la loi de Nicolas. J'étais la plus polluée des 14 députés qui avaient été testés, si. La plus polluée en nombre de polluants éternels et aussi en quantité. Donc déjà, ça te fait un peu bader dans le sens où moi, je suis jeune, je suis saine, je bois peu d'alcool, je fais du sport, je fume pas. Et en fait, tu te rends compte que la volonté individuelle par rapport à la pollution environnementale qui est systémique, on en revient toujours à cette histoire de système, ça sert à rien, quoi. Tu peux faire du mieux que tu peux pas contrôler la pollution extérieure. Donc ça, franchement, c'est la magnifique victoire qu'on a eue. Après, il y a eu le combat pour les places d'hébergement d'urgence en plus pour les enfants à la rue. On a réussi à obtenir des places en plus. Il y a eu la parité à l'Élysée au cabinet d'Emmanuel Macron. J'ai réussi à faire passer que son cabinet politique doive être paritaire parce qu'il n'y a pas de raison que les boys clubs perdurent au sommet de l'État. Il y a eu l'arrêt menstruel qu'on a failli faire passer, mais on a gagné la bataille culturelle et c'était génial en termes de campagne à mener. Donc il y a plein de petites constellations. Oui, on se rappelle de la vidéo où tu faisais tester la douleur, hein, d'avoir des menstruations particulièrement douloureuses à des hommes. On se rappelle de cette vidéo qui était à la fois un peu difficile à regarder, mais un peu jouissive d'une certaine manière. C'est dur à dire comme ça. Peut-être que je ne l'assume pas dans le podcast, mais voilà, ça y est, ça c'est dit. Parlons du consentement quand même. Depuis quelques temps, tu publies notamment sur Instagram. C'est comme ça que j'ai eu envie de te redonner la parole, enfin de te reproposer de prendre la parole dans le podcast. Tu publies des vidéos qui sont très bien faites sur la culture du consentement. J'aime bien cette idée justement d'opposer à la culture du viol l'idée d'une culture joyeuse qui nous grandirait. Et donc cette culture du consentement, pourquoi tu as décidé d'en faire un tes cheval de bataille de ces derniers mois-là ? Je suis féministe depuis des années, je bosse sur la question des violences sexuelles depuis longtemps. Et en fait, il y a un constat quand même partout en France, pas que, mais particulièrement en France, c'est l'impunité des auteurs, notamment de viol, dans ce pays. Les chiffres, ils varient en fonction de quelle source tu prends, mais quand même, quand on sait qu'il y a une femme, enfin une personne victime de viol ou de tentative de viol toutes les 2 minutes en France, c'est énorme. Et en face de ça, tu mets un autre chiffre, les condamnations pour viol en 2022, c'était 1206 condamnations. Donc tu te rends bien compte que les maths ne s'additionnent pas, ça ne fonctionne pas, il y a un problème sur la question de l'impunité. Et cette impunité, elle est possible parce qu'il y a des améliorations à faire, bien évidemment, dans notre système de justice, mais aussi parce qu'il y a une culture du viol qui permet ça. Et ça, on a plein de signaux faibles ou forts partout dans la société, mais typiquement, c'est nous, femmes, qui, quand on se balade le soir, on va changer de trottoir, on va réfléchir à sa tenue, on va écrire à nos copines quand on rentre pour les prévenir qu'on est bien rentré, qu'on s'est pas fait agresser. Moi, j'ai grandi quand même avec cette idée de quand tu vas dans un bar ou quand tu vas en boîte, tu dois jamais laisser ton verre sans surveillance par peur de te faire droguer et donc de te faire violer derrière. Et maintenant que je suis un peu plus âgée, en fait, je me dis, mais c'est lunaire qu'on apprenne ça à nos gamines quand même. Et c'est, tu vois, un Macron qui dit que Depardieu est une fierté nationale, alors qu'il n'y a pas de doute quant au fait que le gars est un agresseur sexuel. Donc tout ça, ce sont un peu des... Et puis c'est des ministres qui sont mis en cause dans des affaires d'agression sexuelle, de viol. Enfin, en fait, tous les quatre à matins. Tous les étages, tu vois qu'il y a une forme d'impunité et que c'est communément admis. Mais il n'y a pas si longtemps, dans la loi française, il y avait le droit de cuissage, tu vois. Enfin, la notion de viol conjugal, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Donc c'est ce constat-là, et de se dire, ok, il y a quelque chose qui doit changer. Nous, on a commencé nos travaux en janvier 2023. Moi, j'avais déjà dit en 2022 qu'il allait falloir se poser la question, enfin en janvier 2024, pardon, qu'il allait falloir se poser la question du consentement, puisque la Belgique, il n'y a pas longtemps, a changé sa loi, l'Espagne a changé sa loi, parce qu'en fait, c'est quand même une espèce... La loi, elle évolue avec la société, elle évolue avec le temps, et elle exprime les valeurs qu'on veut protéger en tant que société. Nous, aujourd'hui, on a une définition du viol dans le code pénal qui est basée sur quatre critères, qui sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise. On ne parle pas de consentement. Oui, tu dis dans une vidéo qu'en fait, le bon viol pour la justice, il est assez rare. En fait. C'est dur, ce mot de bon viol, mais je trouvais que la manière dont tu le présentais en fait, montrait bien à quel point on était loin d'atteindre justement toute la représentativité des violences sexuelles qui est nécessaire pour être appréhendé par les policiers, la justice, mais même dans la compréhension même de ce qui peut se passer et donc du fait que tout soit intolérable. Et à nouveau, on met plein de guillemets à la notion de bon viol ou de vrai viol. Mais en fait, typiquement, quand tu discutes avec des gens qui n'ont pas l'habitude de vraiment aller dans le fond de la question des violences sexuelles, le bon viol, c'est vraiment ce qu'on imagine dans les représentations cinématographiques, dans les livres. Ouais, parce qu'on a vu ce film horrible, ça y est, le nom m'échappe, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. Je le retrouverai, mais c'est des choses qui sont représentées dans les films et donc qui peuplent notre imaginaire de cette violence, du côté sombre, une personne méchante, hagarde, fiévreuse, vraiment malsaine en fait. Oui, et si possible, tu vois, dans un espace public avec de la violence physique, donc on se débat et donc on a des traces après pour pouvoir aller porter plainte le lendemain, alors qu'en réalité, dans l'immense majorité des cas, les victimes, elles connaissent leur agresseur. C'est pas quelqu'un d'inconnu sur un parking, c'est quelqu'un de l'entourage proche. Et souvent, l'immense majorité, il y a des études qui montrent que dans 70% des cas, les victimes de viol, elles sont en état de sidération. Donc, en état de sidération, c'est littéralement tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas réagir, tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas te débattre. Du coup, comment est-ce que tu vas aller prouver que tu as eu violence, contrainte, menace ou surprise? Ou comment est-ce que tu vas te dire, en fait, je suis légitime à porter plainte parce que oui, je suis victime de viol? En fait, c'est ultra difficile de mettre le mot de viol sur ce qui t'est arrivé, quand bien même quand tu coches toutes les cases, entre guillemets, hein, de la violence, la contrainte, la menace et la surprise, c'est difficile parce que ça suppose de accepter que tu es victime. C'est difficile parce qu'en fait, le viol, c'est un crime qui est vraiment entouré de silence et de honte, parce qu'en fait, on a honte, ça touche à l'intime, c'est ultra. Puis il y a la culpabilité aussi, hein, le nombre de victimes qui sont en état de culpabilité, qui disent « mais finalement, c'est de ma faute parce que j'aurais dû dire non ». Bah déjà, dire aux personnes qui nous écoutent que bah non, c'est pas de votre faute et que c'est toujours la faute de l'agresseur. Mais il y a tout ça, quoi. Le viol, c'est ultra complexe. Il n'y a rien qui va. Non, il n'y a rien qui va. Mais il n'y a rien qui va parce qu'en fait, on se permet de faire silence collectivement là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, bah, face à cette culture du viol qui est omniprésente, nous, maintenant, collectivement, on décide de passer à la culture du consentement. Et si aujourd'hui, on a une fenêtre de tir pour changer la loi et pour l'acter, c'est parce qu'en fait, ça a déjà commencé. Il y a eu MeToo il y a 10 ans, qui a quand même libéré la parole, mais qui a surtout libéré l'écoute, hein, puisque les femmes, elles parlaient déjà, mais elles n'étaient pas entendues, qui a permis aux femmes de se reconnaître collectivement, tu vois, pour casser en fait cette honte et ce silence, de dire « Non mais attends, t'es pas toute seule, ça arrive à plein de femmes autour de toi et dans ton entourage proche. » Et ça, j'alerte notre attention collectivement, mais en fait, souvent, si vous-même, vous n'avez pas été victime, vous connaissez des victimes, c'est juste que vous le savez pas. Statistiquement, c'est impossible de pas connaître des victimes de violences sexuelles dans notre pays, parce qu'en fait, elles sont tellement nombreuses. Et aujourd'hui, on enseigne à nos enfants cette culture du consentement. Et ça, je trouve ça incroyablement puissant. C'est vraiment l'outil le plus transformateur qu'on puisse avoir, c'est de dire, bah, en fait, là, tu peux poser la question à ta camarade si elle veut être prise dans les bras pour être consolée. Tu peux dire non si un adulte t'as pas envie qu'il te touche, en fait. Et ça, c'est génial qu'on puisse transmettre ça à la nouvelle génération. Donc oui, effectivement, c'est un peu frustrant parce qu'on revient sur cette idée du temps long. On travaille sur des sujets qui vont mettre du temps à vraiment infuser et puis on verra peut-être des conséquences positives, là en l'occurrence, dans quelques années. Et à la fois, plutôt que de s'attaquer aux conséquences, on s'attaque directement aux causes. Et donc, bah c'est plus ambitieux, en fait, c'est beaucoup plus ambitieux. c'est vraiment, moi je le vois vraiment comme mettre un coup d'accélérateur en fait, parce que, et celle qui nous aide à mettre un coup d'accélérateur, c'est Gisèle Pelicot. Nous, on a commencé nos travaux avant le procès des agresseurs de Gisèle Pelicot, mais elle nous a ouvert une fenêtre médiatique et politique qui est immense. Et déjà, moi, je la remercie infiniment parce que ce qu'elle a fait, pour le coup, a un pouvoir transformateur dans la société. Et moi, je vois la différence, tu vois, entre maintenant et avant le procès. La manière dont les gens me posent des questions, et les gens, ce sont des journalistes, sur la question du consentement, c'est complètement différent. Elle a bouleversé la société, Gisèle Pelicot, en rendant public son procès. C'est bouleversant et c'est différent parce que tu sens que c'est devenu une priorité, tu sens que c'est devenu plus important. Avant, c'était la question en fin d'interview, si on avait le temps. Comment tu qualifierais cette différence ? Je pense que c'est plus sensible. En fait, comme si d'un coup, le fait d'avoir parlé de consentement, d'avoir parlé de viol sur les grandes chaînes d'info pendant plusieurs mois et d'avoir montré en fait l'horreur de ces viols, mais qui, en fait, pour nous, qui bossons dessus depuis des années, pour nous, c'est la banalité du mal, tu vois. Alors, littéralement, ces affaires-là, nous, elles ne nous surprennent pas. Mais du coup, les questions sont plus sensibles et il y a des questions très clichés, un peu lourdaudes, qu'on ne nous pose plus. Et tu vois, typiquement, même la question de « Ah bah alors, si on met le consentement au cœur de tout, il va falloir signer des contrats avant des rapports sexuels. » En fait, si on nous la pose, c'est plus du tout dans un truc un peu sérieux, un peu réac. C'est plutôt quelque chose pour essayer de déminer les craintes, tu vois, de dire « Bon, il y a des personnes qui ont ces craintes-là. Madame Garin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on y répond ?» Et ça, ça, franchement, c'est... Moi, je vois cette différence, je trouve ça incroyable. Madame Garin, on va passer à la partie 2030 glorieuse parce que j'ai envie de raconter en fait tout ce qui adviendra positivement de la mise en place large, ambitieuse de cette culture du consentement. Avant ça, tu as une lecture et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit remerciement à Camille Marguin si elle nous écoute parce qu'elle était venue nous lire un extrait du livre Le Pouvoir qu'elle m'a remis ensuite. Et Le Pouvoir, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce livre, l'histoire est toute bête, c'est que les femmes se rendent compte qu'elles ont, pour le dire très très rapidement, le pouvoir de créer un arc électrique avec leurs mains, et donc la peur, la violence se déplace et change de camp. Et de le lire en tant qu'homme, moi ça m'a fait beaucoup de bien, même si parfois c'est un peu bizarre, et de marcher dans la rue, ça fait regarder la rue différemment, et même du coup les femmes différemment. Pour la petite histoire, ça m'a fait me rendre compte que d'une certaine manière, ce que je vivais quand je travaillais en Colombie et qu'à un moment j'ai eu l'opportunité de vivre dans le centre-ville en tant que blanc identifié riche, de faire attention à chaque coin de rue, de passer un endroit éclairé, de changer de trottoir quand il y avait des personnes que je connaissais pas, c'était ce que des millions de femmes, rien qu'en France, vivent tous les jours, alors que moi c'était quelques mois à peine et que j'en étais ressorti éreinté. Et de lire ce livre-là, ça m'a fait me rendre compte de ça. Donc si jamais Camille Marguin nous écoute, je la remercie publiquement, voilà, c'est dit. Et si malheureusement les trop rares hommes qui nous écoutent, qui sont même pas 30% des auditeuristes, ont envie de mettre un livre en plus sur leur pile de livres à lire, voilà, c'est Le Pouvoir. Je vous retrouverai aussi le nom de la personne qui a écrit le livre, qui est une femme bien sûr, et je le donnerai dans les commentaires. Marie-Charlotte, qu'est-ce que tu vas nous lire, toi? Et bien franchement, je suis vraiment dans la continuité de ça. Moi, je vais vous lire Virginie Despentes, King Kong Theory. Et on se disait avant que c'était difficile de trouver des livres qui nous montrent des lendemains glorieux en termes de consentement. Là, pour le coup, je crois qu'on est vraiment dans la continuité du rapport à la violence et comment il s'exprime aussi au moment du viol. Donc dans King Kong Theory, voilà, donc c'est pas une lecture hyper facile, hein, mais dans King Kong Theory, Virginie Despentes parle de son viol. Et donc c'est un moment de ce passage-là que j'ai décidé de lire et du rapport à la violence des hommes et des femmes. Pendant ce viol, j'avais dans la poche de mon teddy rouge et blanc un cran d'arrêt, manche noire rutilant, mécanique impeccable, lame fine mais longue, aiguisée, astiquée, brillante. Un cran d'arrêt que je brandissais assez facilement, en ces temps globalement confus. Je m'y étais attachée, à ma façon j'avais appris à m'en servir. Cette nuit-là, il est resté planqué dans ma poche, et la seule pensée que j'ai eue à propos de cette lame était « Pourvu qu'il ne la trouve pas. Pourvu qu'il ne décide pas de jouer avec. » Je n'ai même pas pensé à m'en servir. Du moment que j'avais compris ce qui nous arrivait, j'étais convaincue qu'ils étaient les plus forts. Une question mentale. Je suis convaincue depuis que s'il s'était agi de nous faire voler nos blousons, ma réaction aurait été différente. Je n'étais pas téméraire, mais volontiers inconsciente. Mais à ce moment précis, je me suis sentie femme, salement femme, comme je ne l'avais jamais sentie, comme je ne l'ai plus jamais sentie. Défendre ma propre peau ne me permettait pas de blesser un homme. Je crois que j'aurais réagi de la même façon s'il y avait eu qu'un seul garçon contre moi. C'est le projet du viol qui refaisait de moi une femme, quelqu'un d'essentiellement vulnérable. Les petites filles sont dressées pour ne jamais faire de mal aux hommes, et les femmes rappelées à l'ordre à chaque fois qu'elles dérogent à la règle. Personne n'aime savoir à quel point il est lâche. Personne n'a envie de le savoir dans sa chair. Je ne suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée, sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force, alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Et je suis surtout folle de rage, de ce qu'en face de trois hommes, une carabine est piégée dans une forêt dont on ne peut s'échapper en courant. Je me sens encore aujourd'hui coupable de ne pas avoir eu le courage de nous défendre avec un petit couteau. À la fin, il y en a un qui trouve cette lame. Il la montre aux autres, sincèrement surpris que je ne l'ai pas sortie. Alors, c'est que ça lui plaisait. Les hommes, en toute sincérité, ignorent à quel point le dispositif d'émasculation des filles est imparable, à quel point tout est scrupuleusement organisé pour garantir qu'ils triomphent sans risquer grand-chose quand ils s'attaquent à des femmes. Ils croient benoîtement que leur supériorité est due à leur grande force. Ça ne les dérange pas de se battre carabine contre cran d'arrêt. Ils estiment le combat égalitaire, les bienheureux crétins. C'est tout le secret de leur tranquillité d'esprit. Charlotte, on va partir en 2030 glorieuse après cette lecture qui était forte à propos. Les 2030 glorieuses, c'est pas évident comme transition. Les 2030 glorieuses, c'est une période où on aura enfin réussi à se redresser et l'humanité s'est mise à la hauteur des enjeux de notre siècle. On a arrêté de détourner le regard, de minimiser, voire d'ignorer ou complètement même contredire les personnes qui savaient à quel point il était urgent de changer tout un tas de choses dans notre manière d'appréhender le vivant et de le mettre sur une étagère pour l'exploiter ad vitam aeternam. Les 2030 glorieuses, tout n'est pas cucu les petits oiseaux, tout n'est pas complètement réglé, mais on sait qu'on va dans le bon sens et on sait que l'humanité a enfin repris cette capacité à avoir des impacts positifs, d'accord ? Moi, pour l'instant, j'ai joué à cet exercice avec des personnes qui sont des militants associatifs, des entrepreneurs parfois, jamais de personnalités politiques comme vous, Madame Garin. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être facile pour toi et donc je demande à aux auditrices et aux auditeurs de pas tout noter, de graver dans le marbre et de revenir dans quelques années vers toi en disant « Mais Marie-Charlotte, t'avais dit ça et ça s'est pas passé, ok ?» C'est un jeu de l'esprit, d'accord ? Et donc on s'autorise à rêver et quand on s'autorise à rêver, et ben, peut-être qu'on aura raison en avance, mais on aura sans doute aussi pas mal tort et si on écoute dans quelques années cet échange, on en rira sûrement. Mais on s'autorise à rêver, on s'autorise à se dire que demain peut être mieux, on va le décréter même, et c'est parce qu'on fait ça qu'on va réussir à encore plus transformer notre présent. J'écoutais dans une interview de Swann Périssé il y a quelques temps, Corentin de Châtel-Perron, qui est un peu un aventurier des low-tech en France, dire que le présent c'était la conséquence du futur. Ça paraît évident et pas du tout vrai pourtant quand on se la repasse en boucle cette phrase, mais c'est ce dont je suis persuadé avec les 2030 glorieuses, et donc voilà, on va explorer ensemble ce futur. Marie-Charlotte, je te demande de parler de ce futur au présent. Hein ? On va le décréter, on va pas y mettre de conditionnel. Et voilà, on va se projeter dans ces 2030 glorieuses dans lesquelles nous sommes, ça y est. Et parler de la culture du viol qui a disparu et qui a laissé toute la place à la culture du consentement. À quoi elle ressemble alors ces 2030 glorieuses si jamais tu regardes par la fenêtre de l'endroit dans lequel tu te trouves en 2030 glorieuses ? cette année, en 2030 glorieuse. Oui, attention, 2030 glorieuse, ça peut être. C'est une époque, donc on est en 2030, donc c'est pas 2032. En 2030, ça peut être, okay. Peut-être qu'on est en 2037. C'est toi qui le décrète, tu peux le dire, tu peux le spécifier ou pas. On t'en tiendra par rigueur, Marie-Charlotte. Ok, je nous donne un peu de mou en termes de temporalité. Du coup, je pense qu'on est en 2036. Et c'est génial parce qu'on a toute une génération de jeunes qui ont vraiment été éduqués au consentement, puisque les séances d'éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective, elles ont enfin été mises en place. Donc tous les enfants ont été sensibilisés, les jeunes l'ont été aussi. Il y a une super vidéo qui parle du consentement et qui fait une analogie avec une tasse de thé. Je conseille à nos auditeurs d'aller voir cette vidéo, puisqu'en fait ça explique vraiment super simplement ce que c'est que le consentement. Typiquement, Julien, si je t'invite pour du thé et que tu me dis oui, j'ai mis la bouilloire à chauffer et que tu as changé d'avis, je vais pas te forcer à boire le thé. Donc tout ça, là, tout ce rapport au consentement, c'est devenu... Je me rappelle de cette vidéo. Elle est géniale. Mmh. Elle est géniale et elle est hyper pédago, notamment pour les ados. Donc ça, typiquement, c'est devenu de la culture mainstream. Les ados, quand on leur dit « Bon, le consentement, tu gères », ils sont là « Non mais carrément quoi, trop has-been, maman, pourquoi tu me parles de ça ?» Les violences sexistes et sexuelles ont largement diminué. Ces dernières années, elles ont connu un petit pic d'augmentation. Mais là, ça y est, comme les politiques publiques qu'on a mises en place pour lutter contre... Elles ont enfin baissé. On a moins peur pour nos enfants quand on les envoie à l'école, en colo. On a moins peur de tout ce qui pourrait ne pas nous dire qui leur arrive, parce qu'en fait, on sait que la société aujourd'hui les protège, qu'il y a une impunité qui n'existe plus. C'est maintenant, aujourd'hui, dans notre société, c'est lourdement sanctionné, en fait, d'être agresseur. Peu importe qui tu agresses, agresser, s'en prendre aux autres, exercer sa domination par de la violence physique, c'est plus acceptable. Et ça veut dire qu'on a aussi laissé une place pleine et entière au respect, en fait, dans les interactions du quotidien, à la communication. Et du coup, nos rapports entre les femmes et les hommes, ils sont apaisés. Mais on peut pas s'imaginer à quel point c'est reposant aussi, notamment pour les femmes dans les interactions du quotidien, de savoir que le consentement étant au cœur de tout, ben, en fait, on n'a plus à se dire qu'on est une proie au quotidien, quoi. Apaisé sur le fond, mais joyeusement bordélique sur la forme. Je pense à toutes ces conversations qu'on s'autorise maintenant à avoir dans les familles, dans les espaces professionnels. Et c'est vrai aussi, à chaque fois, entre amis femmes et hommes, dans le début des relations entre hommes et femmes, c'est à chaque fois une conversation à avoir, en fait. Et donc, ça part dans tous les sens. Parfois, on dit des bêtises, mais on sait qu'on construit justement ce consentement et que tout nous amène à aller vers ça. Au quotidien. Et c'est ça qui est hyper beau, c'est de se dire qu'en fait, on libère des espaces de parole là où peut-être, il y a 10 ans, on se disait le consentement, c'est pas sexy. Bah, aujourd'hui, en 2036, c'est vraiment au cœur de nos interactions. Et oui, ça veut dire qu'on a appris à pouvoir poser la question et avoir des discussions qui peut-être nous il y a 10 ans nous paraîtraient complètement embarrassantes, gênantes, de se dire non mais attends c'est pas sexy le consentement et tout, et en fait bah si, c'est hyper sexy et bien sûr qu'on n'est pas obligé de tout verbaliser tout le temps, mais comme on a créé cette espèce de culture collective autour de ça, déjà c'est plus facile et en fait aussi ça normalise ce truc de se dire en fait si t'as un doute tu poses la question. Et puis du coup, ça nous a permis aussi de déployer cette sensibilité aux non-dits, aux périodes de tension chez l'autre, dans les moments, dans les espaces publics ou dans la vie privée, où on est aussi capable de poser ces questions qui jusqu'à présent n'arrivaient jamais, parce qu'en fait on ne ressentait pas le mal-être, on ne ressentait pas la gêne, ou on n'osait pas la mettre sur le territoire, dans l'espace public, voilà, et poser la question avec potentiellement une conversation pas évidente à avoir. Parfois, on se refusait de faire cet exercice. Aujourd'hui, ben, on sent les potentiels risques dans un moment dans les transports en commun et on les anticipe. On sent quand il y a quelqu'un qui arrive chargé émotionnellement et donc on essaie de lui proposer, si elle ou il le veut, prendre le temps d'en parler. Ouais, je pense qu'on a développé une sensibilité qui est en fait, qui est génial et qui bénéficie à toutes nos interactions du quotidien. Et tu fais bien de dire que ça sort aussi du champ simplement des relations sexuelles. Mais c'est au quotidien, en fait, qu'on peut mobiliser cette sensibilité-là. Et en fait, c'est un vrai pouvoir transformateur de nos sociétés. Parce que typiquement, aujourd'hui, parce qu'on a mis le consentement au cœur de nos sociétés et qu'on a, pour le coup, vraiment sorti de la norme la culture du viol, la banalisation de la violence et de la domination... En fait, on arrive aussi à s'affranchir de certains codes. Et donc, on est aussi plus libre dans nos interactions du quotidien. Et je pense que ça a libéré les hommes, tu vois, d'une certaine forme de rigidité dans leur rapport aux émotions, à la communication. Ça fait que les femmes aussi se permettent peut-être... Enfin, pas se permettre, mais sont libres d'aller aussi interroger le consentement de leur partenaire. Et donc, tout ça, en fait, ça libère, ça casse un carcan de quelque chose de très normé, etc. Et en fait, on peut que y trouver de la joie, quoi, dans notre société actuelle. Mmh. Tu disais, le consentement, c'est sexy. Ce qui est moins sexy en 2030 glorieux, c'est le pouvoir. Parce que là où, à l'époque, on le recherchait, parce qu'on avait l'impression qu'il libérait, il permettait de s'asseoir, de se sentir plus fort, plus puissant, bah, en fait, en 2030 glorieuse, on se rend compte que le pouvoir, c'est une responsabilité, parfois une contrainte. Et donc, on a des espaces de reconnaissance du pouvoir. Aujourd'hui, dans tous les espaces, on dit, bon, bah voilà, je reconnais que j'ai ce pouvoir en tant que homme, dirigeant, patati, la liste est longue. Et on sait aussi ce que ça implique comme responsabilité. Et dans les relations, dans les moments de travail, dans les réunions, dans les conversations, en fait, à chaque fois, on dépose aussi les responsabilités qu'on a par le pouvoir qu'on pourrait avoir sur un groupe ou sur une autre personne. C'est ultra intéressant de mettre en miroir de la question du consentement la question du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, en 2030 glorieuse, effectivement, parce qu'on a cette conscience de ce qu'est le consentement et de ce qu'il n'est pas, ça c'est hyper important de se dire qu'en fait, un consentement qui justement est extorqué par une position de domination et de pouvoir, c'est pas du consentement. Le consentement, c'est un seuil minimum dans notre société. On veut qu'il soit libre, on veut qu'il soit éclairé. Et après, évidemment, l'étape d'après, c'est l'enthousiasme, la volonté, le désir. Mais oui, on a une responsabilité et on en a conscience. Et ça suppose à nouveau d'interroger nos représentations, notre rapport au pouvoir aussi, qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, je trouve ça ultra intéressant qu'aujourd'hui, on soit en capacité de se dire « le pouvoir, c'est une responsabilité ». C'est jamais le pouvoir pour le pouvoir, quoi. C'est toujours un pouvoir, c'est une responsabilité, si possible, au service du collectif. Comment on mesure ce déploiement du consentement dans notre société ? Est-ce qu'il y a des signaux faibles ? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de suivre le déploiement de ce consentement et puis peut-être des idéaux à atteindre en matière de consentement ? Alors déjà, on n'a plus de personnes en position de responsabilité qui sont agresseurs. Ça n'existe plus, en fait. Dès qu'on découvre un cas sur un ministre, sur un parlementaire, sur un chef d'entreprise, en fait, de facto, il est écarté, au moins dans un premier temps, si on n'est pas sûr, si la justice ne l'a pas condamné, ne serait-ce que pour protéger les personnes dans son entourage. Et ça, c'est devenu systématique. C'est une éthique qu'on s'est appliquée les uns les autres et qui dit beaucoup... quelque chose en fait de justement comment on considère les victimes dans la société. Il y a des moyens immenses qui ont été développés en termes de politique publique dans la prévention des violences sexistes et sexuelles, mais aussi dans la manière dont on prend en charge les victimes pour que toutes les procédures soient moins violentes. Donc aujourd'hui, quand on est victime, on a moins peur d'aller déposer plainte parce qu'on sait qu'on va être bien accueilli, respecté tout au long de la procédure. Et il y a toute la culture, je le disais, tu vois, de nos enfants qui je pense, sont le plus gros signe faible, quoi, de voir quel rapport ont nos enfants au consentement. Et après, il y a cet apaisement dans l'espace public du rapport. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, moi, je marche dans la rue, je me dis pas que je dois changer de trottoir, les mecs se baladent plus en espèce de bande, je me fais plus interpeller, parce que justement, maintenant, c'est admis que, en fait, je ne consens pas à ce qu'on me fasse un commentaire sur comment je suis habillée ou est-ce que je veux filer mon numéro de téléphone. Et ça, y a une légèreté dans l'air quand on marche dans la rue qui est incroyable. Tu te souviens peut-être du dispositif Angela à l'époque qui avait été mis en place et qui a décidé cette année enfin de s'arrêter parce qu'il se sentait de moins en moins nécessaire. Ça, c'est une vraie victoire et ça permet de mesurer tout le chemin accompli. C'est une énorme victoire et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des commerçants qui sont référencés comme safe si tu es harcelé dans la rue puisqu'en fait, tous les commerçants ont une sensibilité et savent très bien qu'il y a une vigilance à avoir si une femme ou n'importe qui arrive et demande de l'aide. Et ça, c'est un vrai pas. En fait, ce qui avant était complètement précurseur dans notre culture collective, c'est devenu complètement mainstream aujourd'hui. Mmh. J'aime bien poser la question de la rupture historique. Quand on aura des historiens qui auront la responsabilité de réécrire le programme scolaire pour les enfants et de montrer qu'il y a eu un avant et un après au niveau du consentement dans les cours d'éducation civique qui se sont largement déployés aujourd'hui, civique et démocratique, si je ne dis pas de bêtises. Quel date, quel fait, quel moment ils remettront. Alors, on pense bien évidemment au procès de Gisèle Pelliquo qui a été un marqueur fort, une première étape de ce changement d'air, de cette bifurcation. Est-ce qu'il y a un autre moment que tu as envie de nous mentionner, de nous partager ? Gisèle Pelliquo et son procès, je pense que c'est vraiment le point de départ sur lequel on s'appuie, enfin en tout cas on s'est appuyé dans la foulée pour pouvoir construire la suite. Après, bah, y aurait eu l'adoption de l'inscription de la notion de consentement slash de non-consentement dans la définition du code pénal. Et ensuite, y a eu ce moment un peu historique où en fait, les parlementaires de tous bords politiques unis ont réussi à peser pour avoir une vraie loi cadre, donc une loi ultra ambitieuse sur le modèle de la loi espagnole qui vraiment prenait en charge tous les pans de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui aura été votée avec les moyens mis sur la table derrière, avec un budget sanctuarisé sur plusieurs années. Bah en fait, quand on a eu ça, ça c'était le point de départ pour tout changer parce que ça voulait dire que en France, ça devenait vraiment un pilier inévitable de nos politiques publiques et de la société. Et depuis qu'on a cette loi, tout a été facile en fait, parce que tout a découlé, les moyens, les associations qui font de la prévention ont pu embaucher, ont pu faire leur travail de prévention, les juges ont pu se former, ont pu mener leurs audiences différemment, les services d'enquête aussi. Les policiers aussi. Ouais, les services d'enquête de police, tout à fait, les gendarmes, la police nationale, ils ont plus de moyens pour enquêter, ils ont été formés. Et depuis, on voit vraiment la différence. Aujourd'hui, quand t'es victime et que tu portes plainte, ça n'a rien à voir avec ce que ça a pu être il y a 10 ans, quoi. Et en plus, surtout, on a des professionnels qui sont au bon endroit pour faire leur travail, donc qui sont plus épanouis aussi. Et puis, voilà, les femmes ont vraiment repris confiance dans le système de police-justice, alors qu'il y a 10 ans, en fait, il y avait des magistrats. Il y a 10 ans, moi, je me souviens quand je menais mes travaux sur le viol, qui disaient, mais moi, je suis magistrat. Je ne recommande pas à une femme de mon entourage, si elle n'a pas été violée selon le stéréotype du viol, d'aller porter plainte, parce qu'en fait, c'est trop difficile. Aujourd'hui, le parcours, il est beaucoup plus cadré, les victimes sont beaucoup plus accompagnées. T'as des moyens financiers aussi qui sont mis à disposition pour t'aider, parce qu'en fait, finalement, sinon, c'était trop difficile financièrement. Un soutien psychologique, enfin, tout ça, c'est fou, parce qu'aujourd'hui, on ne s'imaginerait pas revenir en arrière. C'est-à-dire on est parti tellement loin et aujourd'hui ça semble une évidence. Un autre point moi que je voulais partager à celles et ceux qui nous écoutent qui avaient à l'époque donné l'impression que c'était finalement dérisoire, c'est le CNC qui avait lancé un grand plan de financement pour tous les acteurs du cinéma, de la télévision pour faire que ce consentement-là, il apparaisse dans nos histoires, dans nos séries, dans nos films, si bien qu'aujourd'hui chaque scène de relations entre hommes et femmes font vraiment très attention à ces sujets et sont exemplaires dans cette thématique particulière du consentement. J'en veux pour preuve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film parce qu'on a une soirée par semaine avec mes deux gars pendant lesquels on regarde un peu des films de l'époque. Et il y avait ce moment, c'est pour tout vous dire, dans Star Wars, le moment où Harrison Ford, Han Solo embrasse de force la princesse Leia. Et mes gamins, eux, ont réagi immédiatement en disant « Mais... comment on pouvait montrer ça à l'époque ? Comment on pouvait tolérer ? C'est dégueulasse. » Ça les a mis en colère. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, mais ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Et ça, c'est une rupture dans la manière d'appréhender aussi les héros, les histoires qui nous alimentent, qui nous nourrissent, qui nous donnent envie, qui est symbolique, mais en fait, qui montre aussi à quel point la société a changé. Et puis là, je crois qu'en plus, on est toute une génération à avoir, il y a 10 ans, justement, lu pas mal de bouquins sur le consentement, sur en fait toutes les personnes post-MeToo qui se sont mises à parler et à écrire leurs histoires. Donc nous, je pense qu'on a été déjà bouleversés par ça, mais la génération qui vient en dessous de nous, évidemment qu'elle est choquée quand elle lit qu'on a permis ça, en fait, collectivement, en tant que société, pendant des années et des années. On est outrés, en fait, maintenant. Et là où les générations d'avant avaient tendance à minimiser et relativiser, aujourd'hui, c'est choquant, en fait. Et ce que je trouve génial, c'est que aussi, tu vois, aujourd'hui, quand on écoute du rap, quand on écoute de la musique vraiment un peu tendance et tout ça, ben, toutes ces zones, soi-disant des zones floues sur le consentement qu'il pouvait y avoir avec des paroles qui véhiculaient des stéréotypes... Non, pas du tout flou. C'est exactement comme ça que j'allais finir ma phrase, c'est qu'en fait, la zone grise, ça n'existe pas, quoi. Si c'est pas clair, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup, donc c'est clair que ça fonctionne pas. Aujourd'hui, on a des artistes qui vraiment véhiculent cette valeur de consentement, et c'est génial, et du coup c'est plus facile. On a même des chansons pour les gamins qui maintenant sont hyper populaires, tu vois, des comptines qui leur rappellent que justement ils n'ont pas le droit d'être touchés par un adulte s'ils le veulent pas, qu'ils doivent en parler à quelqu'un de confiance. Et en fait, nous on n'avait pas ça quand on a grandi, quoi. Absolument. Ouais, ça nous change de toutes les histoires qui, en fait, souvent, même véhiculaient des messages vraiment bizarres. Et sordides. Et sordides, hein. On a déjà parlé de ces sujets entre nous. On va pas ouvrir cette parenthèse parce qu'il nous reste peu de temps et je veux te poser la question qui est la plus difficile, en fait, de tout notre échange, de toute notre interview, Marie-Charlotte. Qu'est-ce que tu fais, toi, en 2030 glorieuse? Ça, c'est une question qui est... Ouais, je suis en 2030 glorieuse. J'étais conditionnée, pardon. Je reformule. Non, je te pose la question la plus facile et la plus enthousiasmante de toutes. Tu fais quoi en 2030 glorieuse? Je suis au service du collectif. Je sais pas comment, mais je suis toujours au service du collectif. J'ai toujours un engagement politique, mais ça veut pas dire qu'il est partisan et que c'est à travers un mandat. Parce que moi, je pense qu'être engagée dans une asso, avoir un job qui change le monde, militer, élever ses gosses, être au service de sa communauté, c'est politique. Donc je sais pas quelle forme ça prend aujourd'hui. Est-ce que tu serais pas... Tu sais, à un moment, on avait un médiateur, on avait des garants au niveau national qu'on pouvait solliciter sur des sujets précis. Tu serais pas médiatrice pour le consentement sur le territoire ou quelque chose comme ça? Pourquoi pas? En tout cas, non, par contre, c'est clair que je pense que je pourrais être en train de travailler dans une association pour continuer à porter les combats que j'ai portés il y a 10 ans et être au service des assos, tu vois, qui sont notamment délocalisés en France, qui sont pas à Paris, pour aller les aider à mettre en place leurs projets. Mais en tout cas, au service du collectif et toujours dans la lutte pour l'égalité et aussi probablement avec un engagement auprès des jeunes générations. Parce que je crois que c'est notre outil le plus puissant pour transformer la société, c'est de parler aux jeunes. La route, elle est encore longue. Des fois, quand on termine les épisodes comme ça, des 2030 glorieuses, j'ai l'impression que ça nous tend les bras. Là, je t'avoue que ça me paraît encore long. Et à la fois, on est en mouvement. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Les personnes qui nous ont écoutés, qui nous disent « Mais oui, la culture du consentement, c'est maintenant ». Ça, c'est un super slogan qui pourrait inspirer. Je prends note pour ma prochaine campagne. Non, ne fais surtout pas ça, s'il te plaît. Et elles ont envie de le concrétiser tout de suite. Elles arrêtent l'épisode là, à la fin de ta réponse et elles s'y mettent. Elles continuent par quoi? Elles se mettent à quoi? Elles regardent la vidéo sur le thé. Non, elles regardent la vidéo sur le thé et sur le consentement. En famille, avec toutes les personnes, avec tous les enfants, avec tout le monde. Tout le monde regarde cette vidéo. On fait exploser les compteurs. Et elle commence une discussion, en fait, sur ce sujet-là. Parce que, en gros, pourquoi est-ce que la culture du viol, elle a autant perduré? C'est parce qu'il y a eu du silence autour de cette culture du viol et de la honte. Donc là, notre rôle individuel et collectif, c'est vraiment de remettre la discussion, remettre le consentement au cœur de nos discussions. Et en fait, moi, c'est pas que pour ça, mais c'est aussi pour ça que je veux changer la loi sur le viol, tu vois. Parce qu'on remet le consentement en fait au cœur, on réaffirme que c'est la limite entre un rapport sexuel et un viol, la frontière entre les deux, la frontière entre un rapport sexuel et la violence, c'est le consentement. Et donc on a besoin d'en parler et d'en faire un sujet et un objet du quotidien, et surtout parlez-en à vos gosses, quoi. Ça, c'est, je pense que c'est le plus important. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, parlez-en avec vos amis, parlez-en avec vos collègues, parlez-en avec vos partenaires. En fait, dire « Mais hey, tu penses quoi du consentement ?» La révolution culturelle, elle bouge que si chacun y prend part. Et là, on a tu vois, les associations, le gouvernement, l'éducation à la vie sexuelle et affective qui va être mise en place. Donc on a le volet éducatif qui est en train de changer. Gisèle Pellicot, elle a ouvert une fenêtre sur le plan médiatique. Nous, on est en train de changer du côté de la loi. Il y a plein d'assos qui font leur job de sensibilisation partout. Il faut en parler. Et puis si jamais vous êtes... artistes, en fait il faut aussi produire des contenus qui parlent du consentement en fait en tant que valeur sociétale qu'on exprime et qu'on veut protéger. Donc finalement c'est un sujet assez facile à s'approprier au quotidien, quoi. Tu peux en parler, tu peux le mettre au cœur de ce que tu crées, tu peux aussi être vigilant comme on le disait dans ta structure, si t'es dans une asso, dans une boîte, si tu milites dans un collectif, en fait veiller, avoir cette question du consentement en tête et de dire comment est-ce que ça transforme nos rapports les uns avec les autres. Sans se sentir coupable d'imposer cette conversation, en fait, au contraire, se sentir comme un prétexte à matérialiser justement cette frontière qui n'est pas un poids, parce qu'une frontière, c'est là pour montrer des différences, des singularités. Et puis derrière, parfois, on l'oublie. Aujourd'hui, la frontière entre la France et la Belgique, je dis n'importe quoi. on la traverse sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, mais, ouais. Mais on sait qu'elle est là. Ouais. Et se rendre compte aussi, en fait, si le mot consentement, il fait peur parce que justement, il a une connotation liée au rapport sexuel. Et moi, c'est le cœur de mon travail en ce moment. En fait, simplement, tu substitues consentement par communication et respect mutuel. En fait, c'est facile. Et au quotidien, on le mobilise. Tu vois, quand tu demandes à ton collègue de te prêter un stylo ou de rentrer dans son bureau, tu vas toquer. Mais ça, c'est une manière de solliciter le consentement. Donc, juste avoir en tête que ça peut être une clé de lecture qui irrigue nos interactions, mais qui ne fait pas forcément peur. Et voilà, respect mutuel, communication, c'est un très bon synonyme pour lisser et s'approprier en fait une logique qui est hyper simple, quoi. Merci Marie-Charlotte. Merci Julien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 Glorieuse.